Un petit lézard d'or caché entre deux pierres. Tiens, se dit petit Pierre, qu'est-ce que c'est que la mort? Il ramasse un caillou, il écrase la tête. Un lézard, c'est tout mou, finalement, ça l'embête. Il dépose l'animal dans une boîte en carton, le couvre de coton et joue à l'hôpital. Le vent chaud de l'été souffle sur sa chemise. Il pense à son goûter, chocolat et cerise. Biscotte ou petit beurre, il oublie l'animal. Plus tard je serai docteur ou alors général. Sur l'avion mécanique donné par sa grand-mère, il fait jouer à la guerre ses soldats en plastique. Une belle auto verte tout en haut de la côte, tiens on dirait la nôtre. La portière est ouverte, petit Pierre innocent desserre le frein à main et va sur le chemin voir l'auto qui descend. L'auto va s'écraser contre un mur en ciment. Tiens, je vais arroser les fleurs de ma maman. Le vent chaud de l'été souffle sur sa chemise. Il pense à son goûter, chocolat et cerise. Biscotte ou petit beurre, il oublie la voiture. Tout à coup sur le mur, une ombre lui fait peur. Dans son vieux mouchoir sale, il cache ses trésors. Un canif, un ressort, un lacet de sandales. Petit Pierre imagine, aujourd'hui c'est ma fête. Il va dans la cuisine, où sont les allumettes. Il prépare un gâteau, du pain et des fourmis. Tiens, pour qu'il soit plus beau, j'allume des bougies. Le feu monte au rideau, petit Pierre bat des mains. Mais ça l'ennuie bientôt, il retourne au jardin. Le vent chaud de l'été souffle sur sa chemise. Il pense à son goûter, chocolat et cerise. Biscotte ou petit beurre, il oublie l'incendie. C'est un beau mercredi, il est bientôt 4 heures.